Voici, mais ne te promettons pas toute nue, que vont nous jouer Madeleine Renaud, Robert Lamoureux, Robert Pisani, Daniel Sicaldi, Jean Favre Bertin. Le salon des ventrus. Un domestique sur un escabeau arrange le cordon de tirage du store de la fenêtre. Comment, qu'est-ce que tu dis, Clarisse? Oh, ben je ne sais pas, moi, aussitôt la fin de la session, nous partirons pour Cabourg. Oh, c'est ça, papa. Oh oui, pour Cabourg. Oh, ben attends que la chambre soit en vacances. Attendez, les enfants, attendez que je fasse la chemise de lui. Oh, ben Clarisse, je pourrais pas avoir pu perdre la tête. Ben pourquoi? Enfin, je t'en prie, voyons, garde-toi, il y a ton fils. Ah, oui, ben, ben quoi, il t'en prend ma chemise de lui, quoi. Mais non, je t'en prie, voyons, ben, tu es folle, on te voit. Ah, où tu m'ennuies si tu vas faire des sèvres? Ah, non, caca, j'aime bien m'en aller plutôt que de voir des choses. Et puis toi, Auguste, est-ce que t'as besoin de traîner dans la chambre de ta mère? Il se bouffe. Allez, fiche-moi le corps. Oui, papa. Non, ce manque de pudeur. Qu'est-ce que vous faites là, vous? J'arrange les cordons de tirage. Mais vous pouvez pas vous en aller quand vous entendez que je cause avec madame, non? Je voulais finir, monsieur. Oui, pour mieux écouter aux portes. Aux portes. Je suis à la fenêtre. C'est bon, allez-vous-en. Oui, monsieur. Et emportez votre escabeau. Oui, monsieur. Faut toujours qu'on l'ait dans les jambes, celui-là. Clarisse surgit en coup de vent de sa chambre. Elle est en chemise de nuit, mais elle a son chapeau et ses bottines. Ah, ça veut-tu me dire ce qui t'a pris, quoi? Après qui tu en as? Apparemment, après qui le demande? Oh non, maman, tu vas pas aussi te promener dans l'appartement en chemise de nuit avec ton chapeau sur la tête? Oui, ben d'abord, je te prie de m'expliquer, puis j'enlèverai mon chapeau tout à l'heure. Mais ton chapeau, je m'en fiche pas mal de ton chapeau. C'est pas après lui que j'en ai. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, rien, t'as jamais rien fait. Oh non, je vois pas. Tant pis alors. C'est encore plus grave comme ça. Mais si t'as même plus conscience de la portée de tes actes. Non, mais quand tu voudras m'expliquer? Enfin, alors tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils? Quoi, c'est pour ça que tu me fais cette sortie? Mais évidemment, c'est pour ça. Oh, bah j'ai cru que j'avais commis un crime, moi. Alors tu trouves ça naturel? Enfin, quelle importance a-t-il? Auguste est un enfant, si tu crois seulement qu'il regarde le pauvre petit. Mais une mère, ça ne compte pas. Y a pas à savoir si ça compte, ça ne se fait pas. Un gamin de 12 ans. Non, pardon, 13. Non, 12. 13, je te dis. Il les a depuis 3 jours. Oui, ben, oui, 3 jours, ça compte pas. Oh, puis rien ne compte avec toi, tiens. Si tu crois ce qui sait seulement ce que c'est qu'une femme. En tout cas, c'est pas à toi de le lui apprendre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue? Où ça, toute nue? J'avais ma chemise de jour. Mais c'est encore plus indécent de vous au travers comme dans du papier calque. Ah, oh, voilà, mais dis-le donc. Voilà où tu veux en venir. Tu voudrais que j'ai des chemises en calico. Quoi, des chemises en calico? Qu'est-ce qui parle d'avoir des chemises en calico? Non, mais je suis déjà des manchères, mais toutes les femmes de ma condition, des chemises en linon. Je vois pas pourquoi j'aurais des chemises en madapolam. Ah, ben, les voilà en madapolam à présent. Ouais, non, merci, qu'est-ce que diraient les gens? Mais quels gens? Ben, tu vas pas montrer tes chemises aux gens? Moi, je vais montrer mes chemises aux gens. Tu m'accuses de montrer mes chemises aux gens. Voilà où tu en arrives. Mais non. Enfin, ne fais donc pas toujours dévier la conversation pour prendre l'offensive. Je ne t'accuse de rien du tout. Je te demande pas d'avoir des chemises en calico ni en madapolam. Je te demande simplement, quand ton fils est dans ta chambre, d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller devant lui. Mais t'as de l'aplomb. Tu sais, c'est juste ce que j'ai fait, alors. Oh, ben non. Alors toi, tu parles d'aplomb. Non, mais absolument. Puis c'est encore une preuve de ton éternelle injustice. Essayer de me faire plaisir aux gens. Comme je sais tes idées étroites et que vous étiez tous les deux dans ma chambre, j'ai été exprès me déshabiller dans mon cabinet de toilette. Oui, seulement une fois que tu as été en chemise de jour, t'es arrivé dans ta chambre. Au choix, j'aurais préféré le contraire. C'était pour prendre ma chemise de nuit. Regarde, t'as toujours de bonnes raisons. Mais d'abord, quel besoin as-tu de te mettre en chemise de nuit à 4h de l'après-midi? Oh, tu étais bon, toi. Ouais, mais c'est pas toi qui es allé crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Et pour qui ai-je été, hein? C'est pour toi. Pas pour moi, bien sûr. Alors pour t'épargner une corvée, là, comme toujours, car en fait, tu sais, c'est pas moi qui suis le collègue du père à la chambre, hein. Je suis pas députée, moi, c'est toi. J'ai une façon de me remercier. Mais il s'agit pas de te remercier. Oui, mais je sais, tout est dû. Un remerciement de ta part, je suis encore à l'attendre. N'empêche que quand je suis rentrée en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. Je crois que c'est permis. Eh ben oui, ben ça, je l'admets. Ouais, c'est encore heureux. Parbleu, t'es au frais, toi, ici. Tu ne te doutes pas que dehors, nous avons au moins, je sais pas, au moins 35 ou 36 degrés de latitude. De latitude? Ben oui, 36 degrés, parfaitement. Mais quoi, de latitude? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de latitude? Ah, tu sais pas ce que c'est que latitude? C'est triste à ton âge. Latitude, ben, c'est le thermomètre. Ah, je te demande pardon, j'ignorais. C'est pas la peine d'avoir été au collège. Quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes d'être encore à Paris, tout ça parce que t'es député et que tu veux pas quitter la chambre avant la fin de la session, ben, je te demande un peu, hein. Comme si la chambre pouvait pas se passer de toi. Écoute, je ne sais pas si la chambre peut ou non se passer de moi. Ce que je sais, c'est que quand on a assumé une fonction, on la remplit. Ah ben, ce serait du joli si, sous prétexte qu'individuellement la Chambre n'a pas positivement besoin de chacun de nous, chaque député se mettait à fiche le camp. Il n'y aurait plus qu'à fermer la Chambre. Eh ben, la belle affaire, ça n'irait pas plus mal. C'est toujours quand la Chambre est en vacances que le pays est le plus tranquille, alors. Mais ma chère amie, nous ne sommes pas à la Chambre pour que le pays soit tranquille. C'est pas pour ça que nous sommes élus. Et puis enfin, nous sortons de la question. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise, tu me réponds en faisant penser du parlementarisme. Ça n'a aucun rapport. Je te demande pardon, ça en a. Parce qu'à cause de ton parlement, ben, nous sommes encore à Paris, par 36 degrés de latitude. Oui, ah, tu y tiens. Ah oui, parfaitement. Parce que par 36 degrés de latitude, moi je suis en transpiration. Parce qu'étant en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Et puis parce que j'ai changé de chemise, t'as éprouvé, toi, le besoin de m'attraper. Mais je ne t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu te promenais devant ton fils en chemise transparente. Parce que c'est de ma faute si on voit au travers. Non, mais c'est de ta faute si tu entres avec dans ta chambre. Oh non, ça c'est le comble. J'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre maintenant. Oh, mais je ne t'ai jamais parlé de ça. Ne me fais donc pas dire ce que je ne dis mais pas. Mais veux-tu que j'aille me déshabiller? À la cuisine, à l'office? Devant les domestiques, eh ben c'est pour le coup que tu crierais comme un putois. Oh non, mais cette mauvaise foi dans la discussion... Mais il n'y a pas de mauvaise foi, je suis chez moi dans ma chambre. C'est vous qui n'aviez pas besoin d'y être, moi je ne vous ai pas demandé d'y venir, n'est-ce pas? Ben, si maintenu vous gênait, vous n'aviez qu'à vous en aller. Voilà sa logique. C'est vrai ça, me faire une scène parce que je suis entrée en chemise de jour. Mais comment veux-tu que je fasse? Puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre. Eh ben, j'étais là, tu n'avais qu'à me demander, je te l'aurais apporté. Alors c'était la même chose, tu m'aurais vu toute nue. Oui, mais enfin moi je suis ton mari. Ben, lui c'est mon fils. Oh non, alors c'est à se décourager. Alors, tu trouves que c'est pareil? Mais c'est plus près. Oh! Bah quoi? En somme, toi, t'es un étranger pour moi. Tu es mon mari, mais enfin, c'est une convention. Quand je t'ai épousée, là, je sais pas pourquoi. Merci. Oui, bah, je ne te connaissais pas. Et puis, crac! Du jour au lendemain, parce qu'il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore devant qui on a dit oui, c'était admis, tu me voyais toute nue. Et bah, c'est ça qui est indécent. Ah, tu trouves? Tandis que mon fils, quoi, c'est ma chair, c'est mon sang, c'est... Eh ben, que la chair de ma chair voit ma chair, et il n'y a rien à convenant. Enfin, à part les préjugés. Mais c'est tout, les préjugés, c'est tout. Pour les esprits mesquins. Dieu merci, je suis au-dessus de ça. Voilà comment... Elle est au-dessus de ça, elle arrange tout comme ça. Non, mais enfin, est-ce que depuis la plus tendre enfance du petit, il n'a pas, je sais pas, 25 000 fois assisté à ma toilette? Tu n'as jamais rien dit. Enfin, il y a tout de même un jour où il faut que ces choses-là cessent. Oui. Ça, je dis pas, oui. Eh ben alors? Ben quand? Quoi quand? À quel jour? À quelle heure? Ben quoi, quel jour, quelle heure? Ben, cesse-t-on. Il doit y avoir un jour, une heure spéciale. Pourquoi particulièrement aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Alors je te demande, quel jour, quelle heure? Quel jour, quelle heure? Elle vous a de ces questions. Mais enfin, est-ce que je sais, moi? Comment veux-tu que je précise? Ah oui, ben, tu peux pas préciser, c'est merveilleux. Et alors tu veux que moi, une femme qui par définition doit être moins intelligente que toi, enfin du moins c'est toi qui le dis, tu veux que moi je sois à même de le faire quand toi tu t'en déclares incapable? Oh mon Dieu, que c'est bête ce que tu dis là. Ah non, tu m'attaques, je me défends. Enfin, qu'est-ce que tu veux me prouver? Qu'une mère a raison de se montrer en chemise à son fils? Mais c'est pas là-dessus que j'en suis. Ça t'est désagréable, et ben c'est bon. T'as qu'à me le dire sans t'emporter, je ferai attention. Oui, oh, tu feras attention. Tu sais très bien que non, tu ne peux pas ne pas traîner en chemise. C'est plus fort que toi. Oh, ce que c'est exagéré. Mais tous les jours, je t'en fais l'observation. Je t'assure que non. Si tu me vois quelquefois comme ça le matin, ben, c'est que ma toilette n'est pas faite. Mais une fois que je suis habillée, ben, je te certifie que... Que tu n'es plus en chemise. Ah ben ça, évidemment. Seulement, tu ne l'es jamais habillée. Enfin quoi, qu'est-ce que tu veux? Que je fasse pour ma toilette? Mais si, fais-la, ta toilette, mais reste chez toi pour la faire et ferme la porte. Elle est toujours ouverte dans ces moments-là, comme c'est convenable pour les domestiques. Pourquoi hein? Ils n'entrent pas? Ils n'ont pas besoin d'entrer pour te voir, ils n'ont qu'à regarder. Si tu crois qu'un domestique, ça regarde? Oh oui, on n'est pas, ce ne sont pas des hommes comme les autres. Ah non, mais c'est drôle, ça va. Tu laisses ta porte ouverte quand tu fais ta toilette et tu t'enfermes pour mettre ta voilette. Ah oui, parce que là, j'aime pas être dérangée hein, quand je mets ma voilette. J'aime pas qu'on tourne autour de moi, j'en viens pas à bout. C'est vraiment dommage qu'il en soit pas de même pour tes ablutions. Mais pas seulement ça, tu fais mieux encore. Tu allumes dans ton cabinet de toilette. Et tu ne fermes même pas les rideaux. Oh, quand? Eh ben, hier. Pas oui, hier. Hier, parce que tu ne vois plus au dehors, tu es comme l'autruche. Tu t'imagines qu'on ne te voit pas du dehors. Oh, qui veux-tu qui regarde? Qui? Mais Clémenceau, ma chère amie. Clémenceau qui meurt en face et qui est tout le temps à sa fenêtre. Ah, il en a vu d'autres, Clémenceau. Oui, c'est possible qu'il en ait vu d'autres. Mais j'aime autant qu'il ne voit pas celle-là. Je serais propre, moi. En quoi? Mais tu n'y songes pas. Enfin, tu ne connais pas Clémenceau. C'est notre premier comique à nous, Clémenceau. Il a un esprit gavroche. Il est terrible, Clémenceau, qu'il fasse un mot sur moi, qu'il me colle à ce briquet, il peut me couler. Mais c'est pas à craindre, t'es de son parti. Mais justement, c'est toujours dans son parti qu'on trouve ses ennemis. Clémenceau serait de la droite, parbleu, je m'en ficherais, et lui aussi. Mais du même bord, on est rivaux. Clémenceau se dit qu'il peut redevenir ministre, et bien je peux le devenir aussi, moi. Quoi? Ben oui, quoi, tu le sais bien, voyons. Tu sais bien que dans une des dernières combinaisons, à la suite de mon discours sur la question agricole, on est venu tout de suite m'offrir le portefeuille de la marine. Ben oui, mais... La ministre de la marine, tout de même, hein? Hé, tu me vois? Pas du tout. Non, naturellement, ça. Ministre de la marine, tu sais même pas nager. Mais qu'est-ce que ça prouve, ça? Est-ce qu'on a besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l'État? Pauvres affaires. Oui, c'est entendu. Oh, d'ailleurs, je me demande pourquoi je discute. On n'est jamais prophète dans son pays. Heureusement que ceux qui ne me connaissent pas me jugent d'autre façon que toi. Eh ben, je t'en supplie, n'entrave pas ma carrière en compromettant une si belle situation par des imprudences dont l'effet peut être irréparable. Mais songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Eh ben, quand tu seras ministresse, est-ce que tu te baladeras dans les couloirs du ministère en chemise? Mais non, bien entendu. Oui, et quand je dis ministre, on ne sait pas. C'est le beau du régime, là, tout le monde peut aspirer à devenir président de la République. Eh bien, que je le devienne. Ah, mais mettons, on reçoit des rois, des reines, hein? Et est-ce que tu les recevras en chemise? Mais non. Alors, est-ce que tu te montrerais à eux comme ça? Mais non, voyons, je mettrai ma robe de chambre. Sa robe de chambre, elle mettra sa robe de chambre. Enfin, je mettrai ce que tu voudras. Oh non, c'est effrayant, ma pauvre enfant. Mais tu n'as aucune idée de ce que c'est que la correction. Moi? Bon, d'ailleurs, je ne t'en veux pas, mais c'est même pas du vice chez toi. Au contraire, c'est de l'ingénuité. Non, parce que par deux chemins opposés, on arrive quelquefois au même résultat. Oh, cite-moi un cas où j'étais incorrecte. Oh, ben, il n'y a pas bien loin à chercher. T'as pas plus tard qu'hier, t'as quand Deschanel est venu me voir. Eh ben, il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté, Deschanel, que tu trouves rien de mieux à lui dire que... Oh, c'est curieux, l'étoffe de votre pantalon. Mais qu'est-ce que c'est que ce tissu-là? Et tu t'es mis à lui ploter les cuisses. Oh, les cuisses, je m'occupais que de l'étoffe. Oui, mais les cuisses étaient dessous. Enfin, tu trouves que c'est une tenue? Mais comment voulais-tu que je fasse? Je pouvais pas lui demander d'ôter son pantalon, est-ce monsieur que je voyais pour la première fois? voilà, alors tu pouvais pas te passer de tâter l'étoffe. Enfin, il me semble que Deschanel a un passé politique suffisant pour te permettre de trouver autre chose à lui dire que de lui parler de son pantalon. Surtout avec des gestes à l'appui. Oh, tu vois du mal dans tout. Eh ben oui, je vois du mal dans tout. Non, mais je te conseille de critiquer. Toi qui es si sévère pour les autres, tu parles de ma tenue. Eh ben, et la tienne l'autre jour, là au déjeuner sur l'herbe, avec mademoiselle Dieu Mamour. Quoi, mademoiselle Dieu Mamour? Eh ben, quand tu lui as sucé la nuque, tu trouves que c'est convenable? Quand je lui ai... Oh non, mais alors quand les femmes se mêlent d'écrire l'histoire, alors... Quoi? Tu lui as pas sucé la nuque? Si, je lui ai sucé la nuque, évidemment, je lui ai sucé la nuque. Je lui ai sucé la nuque et je m'en vante. C'est tout à mon honneur. Ah, tu trouves? Ne pense pas que ce soit par un désir inspiré par ses 40 printemps et les trous de sa petite vérole qu'elle a sur le nez. Oh, oui, est-ce qu'on sait jamais que les hommes, c'est si vicieux, hein? Oh, ben, je t'assure. Seulement, elle avait été piquée par une mauvaise mouche. La piqûre avait un sale aspect. C'était déjà tout enflé. Rappelle-toi, je pouvais pas la laisser crever du charbon par respect des convenances. Du charbon? Mais qu'est-ce que tu en sais si la mouche était charbonneuse? Je n'en sais rien. Mais dans le doute, il n'y avait pas à hésiter. Une piqûre de mouche peut être mortelle si on ne cautérise pas ou si on ne suce pas immédiatement la plaie. Il n'y avait rien pour cautériser. Je me suis dévoué. J'ai fait ce que commandait la charité chrétienne. J'ai sucé. Oui, bah, tu sais, c'est commode. Hein. Avec ce système-là, il n'y a plus qu'à sucer la nuque à toutes les femmes qui vous plaisent, sous prétexte qu'elles ont peut-être été piquées par une mouche charbonneuse. Enfin, qu'est-ce que tu vas chercher? Enfin, tu crois que c'est pour mon agrément que j'ai fait ça? Non, bien sûr. Moi, j'en ai gardé pendant 2 heures un goût de vieille chandelle dans la bouche. Si tu trouves que c'est pas méritoire, ça. Si, tout ce que les autres font, c'est mal, mais toi, c'est toujours admirable. Mais j'ai pas dit ça. Tout de même, moi, si j'avais été sucé la nuque à Monsieur Deschanel, ben merci. Qu'est-ce que j'aurais pris pour mon rhume? Oh, tiens, naturellement. Voilà, qu'est-ce que je disais? Et tu appelles ça de la justice? Ah, t'as un mode de discussion qui vous désarme. Quoi, c'est pas vrai? Oui, tu as raison, tu as toujours raison. C'est la dernière fois que je suce la nuque à Mademoiselle Dieu Mamour. Je te demande pas ça, si elle est repiquée, cette malheureuse. Ton devoir d'homme est pas... Oui, tu vois que t'es de mon avis. C'est aussi ce qui m'irrite, tu me dis toujours des choses blessantes. Alors t'es plus fort que moi, je me bute. Moi je te dis des choses blessantes? Ben oui, que je me promène toute nue, que j'ai sucé la nuque à Monsieur Deschanel. Enfin, je t'ai jamais dit ça. Enfin, que j'ai pincé les cuisses à Monsieur Deschanel. Enfin, sapristi, quand tu fais des choses que je désapprouve, j'ai quand même le droit de te faire des observations. Je dis pas le contraire, mais tu peux me les faire gentiment. Tu sais bien que quand tu me parles avec douceur, ben, tu fais de moi tout ce que tu veux. Eh bien, soit gentiment. Là, je te supplie de ne plus te promener toujours en chemise comme tu le fais. Oui, là. Dis-moi ça comme ça. Voilà, bonne. Voilà comme j'aime t'entendre parler. Tu vois bien que je suis raisonnable, hein, quand tu veux. Victor entre carrément dans le salon et voit Clarisse en chemise sur les genoux devant un trou. Elle ne fait qu'un bond vers la fenêtre. Oh! Enfin, qui est là? Moi, monsieur. Ne regardez pas! Oh! Ah, ne regardez pas, il est bien temps, monsieur. Je suis derrière le rideau. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Il t'a vu en chemise, maintenant, ce garçon. Oh, je ne suis pas nouveau dans la maison. Ça y est, voilà, c'est clair, c'est pas la première fois qu'il te voit en chemise. Ben c'est charmant. Non mais je t'assure, voyons mon ami, quoi. Oh, laisse-moi tranquille, quand tu sais qu'une chose m'est désagréable, je... Que monsieur ne se fasse pas de mauvais sang, j'ai ma payse, alors... Qu'est-ce que vous dites? Ah non, mais ça dit donc, vous avez votre payse? Enfin, est-ce que vous supposez que madame... Monsieur, je... Enfin quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez, là? C'est pour dire à monsieur qu'il était venu ce matin. Un monsieur qui a laissé sa carte. Qui ça? De toute façon, il faudrait s'en aller partout, celui-là. Oh non, c'est pas possible. Eh ben, celle-là, il est venu, lui? Lui, parfaitement. Quoi, lui? Et celui-là? Enfin, ce monsieur, il a dit qu'il repasserait à 4h30. Eh ben, celle-là. Voulez-vous, mon fils Legrand? Oui, monsieur. Ah, ouf. Ah oui, mais je t'engage à dire ouf. Je suis pas fâché de ce qui t'arrive. Mais ben, tant mieux. Je craignais que ça t'ait mécontenté, alors. Hein? Mais oui, ça m'a mécontenté. Sûrement que ça m'a mécontenté. Alors, pourquoi dis-tu que t'es pas fâché? Mais je ne suis pas fâché de ce qui t'arrive parce que peut-être ce serait une leçon pour l'avenir. Ah, oh, bon, j'avais pas compris ça. J'avais cru à un mot gentil de ta part. C'est ça. Il y a un mot d'encouragement. Oui, oh, bah, qu'est-ce que tu veux? Allez, c'est un petit malheur. Dis donc, qui c'est le monsieur dont on t'a remis la carte? Un petit malheur. Voilà, enfin, c'est tout l'effet que ça te fait. Oh, écoute, quand je m'arracherai les cheveux, hein. Qui c'est, là, le monsieur dont... Qui, quoi? Quel monsieur? Ben, dont on t'a remis la carte. Eh ben, qu'est-ce que ça te fait? Oh, bah, je te demande pardon. Eh ben, tiens, là, puisque tu veux le savoir, c'est un monsieur devant lequel il est très heureux que tu ne te sois pas montré en chemise, en compagnie de ton domestique. Parce que alors là, mon compte aurait été bon auprès des électeurs. Pourquoi? Parce que si je prêtais le flanc à ses commérages, à celui-là. C'est l'homme qui a mené la campagne le plus acharnée contre moi au moment de mon élection. Non, c'est pas monsieur Hochepaix. Le maire de Moussillon-les-Andrées lui-même. Comment? Cet homme qui a tout fait pour faire passer ton concurrent, le marquis de Berneville? Le socialiste unifié, parfaitement. Ah, ben il a du culot, alors. Oh, cet homme qui a dit de toi ping-pong? Qui, comment dis-tu ça? Ping-pong. Ping-pong. Pique-pendre, pas ping-pong. On dit pas ping-pong? Non, mais non, on ne dit pas ping-pong. Bon, j'ai toujours entendu dire ping-pong. Ben, t'as toujours mal entendu. Ah, bon, ben, c'est donc ça, je comprenais pas l'expression. C'est donc ça, évidemment. Alors, on va dire, tu sais, ça m'est égal, hein, ping-pong ou pique-pendre. J'espère que tu vas le mettre à la porte, hein, ce monsieur, avec tous les honneurs qui lui sont dus. Mais au contraire, je serai le plus aimable possible, et même si tu le vois, je te prie également d'affecter la plus grande amabilité. Hein? Oui, oh, je pêche chez moi, non, mais hey, c'est ma revanche. Ensuite, ça a beau être le dernier des chameaux. Ça, oui, des chameaux. Oui, ben, il faut penser que c'est un gros industriel. Que dans sa fabrique de tissus, il emploie de 5 à 600 ouvriers, autant de voies dont il dispose. Il est bon de se le ménager, celui-là. Faut être pratique dans la vie. En attendant, il est près de 4h30, il va pas tarder, va t'habiller. Oui, c'est ça. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je sonne Victor. Non, ben, tu trouves qu'il t'a pas assez vu? Oh, t'es méchant. Va, mais non, c'est pour qu'il enlève le plateau, là. Je lui ai déjà dit 20 frais d'enlever les tasses quand on a fini de prendre le café. C'est là devant des tasses qui traînent, là. Puis ça attire les mouches, les guêpes. Tu regardes-moi ça, allez, regarde-moi. Elle ramène dans sa main le bas du devant de sa chemise, de façon à en faire une sorte de chasse-mouche qu'elle agite au-dessus du guéridon. Allez, les mouches, allez, les guêpes, allez, mesdames, allez. Moi, je peux pas avoir le désordre. J'aime la tenue, moi, dans ma maison. J'aime la tenue, quoi. Elle aime la tenue. Bon, et maintenant, comme je ne veux pas que Victor me voie en chemise... Non, vraiment. Allez, sois pas taquin, va. Quand il viendra, hein, tu lui diras d'enlever tout ça. Oui, oh ben, c'est pas la peine de fatiguer, la sonnette marche pas. Il sera arrivé quelque chose dans la pile, tu peux toujours sonner. Qu'elle est à sec, tiens, elle a soif. Il y a qu'à remettre un petit peu d'eau. Ben, peut-être, j'en sais rien. Ben, je vais lui donner à boire, attends. C'est ça, allez, va. Oui. Et passe ta robe de chambre. Mais oui, tu sais bien que quand tu me demandes gentiment, hein, moi je me fais une joie. Ventroux, après avoir refermé la porte sur lui, va jusqu'à la fenêtre dont le store est toujours tiré. À ce moment, son regard s'arrête. Monsieur Hochepaix. Entrez. Pardon. Laissez-nous. Asseyez-vous, je vous prie. Mon cher député. Oh, cher. Pourquoi non pas? Après la campagne que vous avez menée contre moi. Oh, la campagne. Enfin, vous m'avez traité partout de vendu, de pourri, de mouchard, de résidu de la décadence. Mais ça n'enlève rien à l'estime, ça. Croyez-le bien. Ah, très touché. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous l'avoue, vous n'étiez pas mon candidat. Je m'en suis aperçu. Mais mon homme à moi, c'était le marquis de Berneville. Mais c'est votre droit. Vous comprenez, c'est un vieil ami à moi. Il est socialiste unifié comme moi. Ajoutez à cela que c'est lui qui a tenu ma fille sur les fonds baptismaux. Ah, ben vous m'en direz tant. Oui, enfin, un tas de raisons. Sans compter celle-ci, qu'il est plusieurs fois millionnaire et que l'intérêt de mes administrés... Oui. Vous devez comprendre, n'est-ce pas? Oui, mais je vous en prie, ne vous défendez pas. D'autant qu'en somme, c'est vous qui avez été élu. Ce qui, pour moi, est l'important. Ben, évidemment. D'ailleurs, tout ça, c'est du passé. Il n'y a plus ici un candidat et un électeur, mais le maire de Moussillon-les-Indrées, qui vient trouver amicalement son député pour lui soumettre un désidératum de ses administrés et le prier de s'y intéresser auprès du ministre compétent. Je n'ai pas douté un instant de votre bon accueil. Et vous avez raison. La meilleure preuve, c'est que je disais encore tout à l'heure à Madame Ventroux. Non, au fait, je ne vous ai pas demandé de ses nouvelles. Est-ce que je n'aurais pas le plaisir de lui être présenté? Ah, ben vous tombez mal, ma femme est en train de s'habiller. Ah. Et vous savez, quand les femmes sont à leur toilette, ça dure longtemps. Alors c'est dommage. Ah oui, vous trouvez que nous avons enlevé les tasses? Vous trouvez que vous les avez enlevées, les tasses? Ah ben non, tenez, voyez, je la calomnie, j'entends sa voix. Déjà prête, mais c'est un miracle. Eh bien, alors je serai enchantée. Oui. Clarisse, toujours dans la même tenue, surgit du vestibule, suivie de Victor. Oui, oui, oui. Venez voir comment vous avez enlevé les tasses. Eh bien, tenez, mon cher ami, je vais vous présenter ma... Oh! Bah quoi? Mais tu m'as fait peur. Mais non, d'un petit peu, non, mais veux-tu fiches le camp? Veux-tu fiches le camp? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, t'es pas en folle, tu viens ici en chemise quand j'ai du bon. Oh, pardon, monsieur, je n'avais pas entendu sonner. Mais madame, je ne me plains pas. Enfin, t'as pas honte de montrer comme ça avec un domestique à des tasses? Non, mais cher monsieur, c'est parce que Victor n'a pas enlevé les tasses, n'est-ce pas? Tenez, mon garçon, regardez comme vous les avez enlevées, les tasses. Mais je m'en fous des tasses! Vous voulez vous foutre le camp, vous? Oui, monsieur. Oui, parce que je ne sais pas, cher monsieur, si vous êtes comme moi, mais quand je vois des tasses... Oui, je... mais c'est bon, allez, hop, hop, oui, oui, oui, ah, bah, je t'en prie, ne me parle pas comme ça, je suis pas un chien. Non, mais c'est vrai, ça. Monsieur Hochepaye, sans doute. Oui, madame, oui. Ah, quoi? Enchanté, monsieur. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Mais... Oh non, mais enfin, t'as pas la prétention de recevoir dans cette tenue. Oh oui, en effet, oh, c'est un petit peu incorrect. Non, mais vraiment, n'est-ce pas, il fait si chaud. Tenez, monsieur Hochepaye, tenez, tâtez mes mains. Tâtez mes mains si j'ai la fièvre. Hein, bah c'est ça, bah tu vas recommencer comme avec des chanelles. Bah quoi, c'est ses mains, c'est pas ses cuisses. Comment? Non, mais pour lui montrer, quoi, comme les miennes sont brûlantes. Vos cuisses? Non, mais mes mains, monsieur. Oui, mais... oui, ben monsieur, il s'en fiche, monsieur Hochepaye, il s'en fiche de tes mains. Mais pas du tout. Là, tu vois. Oui, bah, allez, on voit là, je te prie de t'en aller. Eh ben, c'est bien, mais alors c'était pas la peine de me demander d'être aimable. Mais qu'est-ce qui te demande d'être aimable? Comment qui? Bah, toi. C'est toi qui m'as recommandé si tu bois monsieur Hochepaye. Oui, bon, bah, allez, ça va. Et je te prie au contraire d'effecter la plus grande amabilité. Moi, ouais, mais j'ai jamais de la vie, Mais c'est trop fort, tu as même ajouté, ça pourrait être le dernier des chameaux. Mais ne me faites pas. Oh, mais dis-toi, n'empêche que c'est un gros industriel qui occupe 5 ou 600 ouvriers, il est bon de le ménager. Mais non, mais jamais de la vie, j'ai parlé de ça. Monsieur Hochepaye, vous croyez pas quand même, j'espère que... Vous savez, quand vous auriez... J'espère, monsieur Hochepaye, que vous me faites l'honneur de me croire. Ah, tu m'embêtes. Allez, fous-moi le camp. Ah, là. Mais dis donc, je te prie de me parler autrement. Allez, débarrasse le plancher. Ah, oui, mais enfin, dis donc, quand tu ne vas pas dire tout de même... Allez, hop, file que... Non, mais il n'y a pas de hop, hop, si tu sais plus ce que tu dis. Mais vas-tu filer à la fin? Enfin, je... Oh, pardon, monsieur, je ne vous ai pas dit au revoir. Et très heureuse, monsieur. Madame. Voilà. Mais non, donc, là, veux-tu t'en aller? Bah, quoi, je dis au revoir, quoi. Je suis indigné, monsieur, indigné. Oh, bah, vous savez... Oui, mais ne croyez pas un mot. Tout ça, c'est une plaisanterie. Oh. Le dernier des chameaux. Vous ne supposez pas que j'ai jamais dit... Oh, bah, laissez, non, vous savez, je vous ai bien traité de vendu, de pourri, de résidu de la décadence. Je sais, je serais en droit de... Bah, enfin, tout de même, c'est comme ma femme, je vous prie de l'excuser, vraiment, elle s'est présentée d'une façon... Là. Mais tout à son avantage. Vous êtes trop galant. Enfin, n'empêche, croyez bien qu'elle n'a pas l'habitude de traîner dans cette tenue. Mais véritablement, aujourd'hui, il fait si chaud, n'est-ce pas? Elle est presque excusable. Hein? Vous avez senti ses mains, vous avez pu oui, voir. Oui. D'ailleurs, oui. Moi-même, tenez, tentez les miennes. Puis elles sont toutes en moiteur. Ah oui. C'est très désagréable. Oui, naturellement, c'est très désagréable, en effet. Alors, naturellement, ma femme, eh ben, comme elle avait trop chaud, elle a éprouvé le besoin de se mettre en... comment dirais-je? Enfin, il n'y a pas de mots, qu'elle est bien en chemise. Ah, ça, comme je la comprends. N'est-ce pas? Si je pouvais en faire autant. Eh bien, faites-en, je vous en prie. Hein? Ah non, vraiment tout de même. Alors, comme elle n'avait pas entendu sonner, naturellement, elle est entrée. Eh ben voyons. Et voilà, elle se croyait seule. Mais et... c'est évident, avec le domestique. Avec le domestique. Ah oui, le domestique, oui. Non, mais le domestique, ça vous pensez bien que il y a une raison. Ah, ça, je pense bien, voyons. Ce sera un domestique ordinaire, évidemment. Oh, évidemment, ce serait un domestique ordinaire. Oui, mais là, ils ont été élevés ensemble. Ah, oh, vous m'en direz tant. Oui, c'est son frère de lait. Son frère de lait. Oui, alors n'est-ce pas un frère de lait? Ça ne compte pas, parbleu. Alors, voyons, de quoi s'agit-il? Parce qu'enfin, tout ça, c'est des balivernes. Qu'est-ce que vous venez me demander pour vos administrés? Eh bien, voilà, c'est à propos de l'Express de Paris, n'est-ce pas, qui s'arrête à Morinville et qui brûle Moussillon-les-Indrés, qui est un centre au moins aussi important. Mais comment? Alors voilà, mes bons hommes se sont mis en tête d'obtenir que l'Express s'arrête à notre station. Mais c'est difficile. Ah non, dites pas ça. On a eu deux fois l'occasion de constater que c'était possible. Ah bon, l'Express s'est déjà arrêté? Deux fois. Une fois à la suite d'un déraillement, une autre après un sabotage. Ah, Eh bien, alors, ça n'a pas dérangé grand-chose dans le service. Oui, mais évidemment, c'est un argument. Seulement, n'est-ce pas, ce sont des éventualités qui n'arrivent pas assez régulièrement pour que nos voyageurs puissent se baser là-dessus. Oui. Oui, vous préféreriez un arrêt réglementaire. Oui, oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, je veux bien m'en occuper. Ah. Vous me rédigerez un petit exposé de tout ça. Mm-hmm. En attendant, pour ne pas oublier, je vais toujours prendre note. Mm-hmm. Voyons, nous disons Monsieur Hochepay. C'est ça, c'est ça. Ah non, non, non. Paix. P-A-I-X. Hein? Oh, je vous en parle. Oui, oui, P-A-I-X, P-A-I-X. Oh, ben, je croyais bien que c'était sans attention. Oh, ça n'y a pas de mal, je suis habitué. C'est la première orthographe qui vient tout de suite à l'idée. Oui, comme la plus naturelle. Voilà, voilà. Il va brusquement tirer la porte qui s'ouvre à deux battants. Enfin, qu'est-ce que c'est encore ? Et aperçoit perché sur le sommet d'un escabeau sa femme que Victor tient à pleine main par la croupe. Oh. Ah ! Ah, tiens, c'est toi ! Non, mais qu'est-ce que vous faites là ? Bah, tu vois, j'arrange la pige. Non, mais alors, vous vous foutez de moi, tous les deux ! Qu'est-ce que c'est que cette façon de tenir madame ? Oh. Ah, quel ton ! Quoi ? Ah oui, oui, ouais, bah, quand on ne tient pas, je vertige. Mais nom de Dieu, vous voyez pas que vous avez vos deux mains sur ce... Oh, mais c'est indécent, ça ! Enfin, voulez-vous lâcher ça à la fin? Ah, mais non, fais attention, mais tu vas me faire tomber. Eh ben, descends, qu'est-ce que t'affiches là-haut? Est-ce que c'est ton affaire? Ah oui, mais enfin, c'est parce qu'il sait pas. Eh ben, qu'il la prenne. Non, mais enfin, cette tenue. C'est convenable, hein, c'est convenable, là, avec le domestique. Oh, voilà, là, puisque c'est son frère de lait. Oh! Qui? Moi? Oui, vous, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, moi? Qu'est-ce que ça veut dire, moi? Allez-vous-en donc, qu'est-ce qui vous prie de vous mêler de ce qui ne me regarde pas? Oui, monsieur. Je finirai par le ficher à la porte, moi, cet animal-là. Non, mais je vais vous dire, c'est son frère de lait qui l'avait entendu, mais enfin, pas du même père. Comment pas du même père? Hein? Non, non, non, non, non, je vais vous expliquer qu'enfin, quand je dis pas du même père, j'entends que Ah, puis vous m'embêtez avec vos questions, est-ce que ça vous regarde? Ah, mais... Non, non, vous devez bien penser que si je te lis ça, c'est que j'ai de bonnes raisons. Mais je vous ferai remarquer que je ne vous demande rien. Oui, mais on sait ce que c'est, vous ne me demandez rien, et puis une fois là-bas, avec le marquis, et Badouki, et Badouda, vous allez clabauder, vous. Mais non, quelle idée. Ah non, je t'assure, tu sais, mon ami, tu devrais te soigner, alors. Enfin, nom d'un tonnerre, vas-tu aller t'habiller, quoi? Oui, ben quoi, donne-moi le temps, voilà une heure. Ben quoi, maintenant que monsieur Hochepay m'a vu, hein? C'est vrai, enfin, monsieur Hochepay, je suis en chemise, c'est entendu, mais enfin, est-ce que je suis inconvenante? Est-ce que j'en montre plus qu'en robe de bal? Mais non, madame. Ah. Alors, vous trouvez, vous? Mais c'est-à-dire même que là, en chemise, avec votre chapeau sur la tête, vous avez presque l'air d'être en visite. Là, tu entends? Ah. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'on voit? Je vous le demande, hein? Qu'est-ce qu'on voit? Bon, bien, là, évidemment, je vous vois en ombre chinoise. Pas que vous êtes devant la fenêtre. Oh! Ah oui, ben, il y a la fenêtre, ça, la fenêtre, ben, oh, t'es brusque, toi, vrai. Mais enfin, sans ça, hein? Oh, sans ça, rien. Ah. Clarisse s'assied sur le canapé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas, j'ai senti comme un coup de poignard. Comme un coup de poignard? Oh, que mon Dieu au cœur! Elle se retourne et l'on aperçoit une guêpe écrasée sur sa chemise à hauteur de la croupe. Mais là, au cœur, c'est ça que t'appelles ton cœur? Oh là là là là! Tiens, attends-moi. Tiens, le voilà ton coup de poignard, c'est une guêpe qui t'a piqué. Il la dépose par terre et l'écrase avec le pied. Oh mon Dieu, j'ai été piqué par une guêpe. Oh, pour madame. Eh ben c'est bien fait, ça t'apprendra à prendre les toutes. Oh, ben voilà, c'est ta faute, moi, ce que je t'avais dit, là, de me laisser traîner les tasses. Eh ben tant mieux, tiens, ça te servira peut-être de leçon. Oh, tant mieux, il est content, mon Dieu, mon Dieu, une guêpe, pourvu qu'elle soit pas charbonneuse. Oh, mais non. Oh, Julien, je t'en prie, suce-moi, veux-tu, hein, suce-moi. Moi? Non, ben dis, tu m'as pas regardé. Oh, non, mais Julien, écoute, sois bon, suce-moi, voyons, suce-moi. Mais fiche-moi la paix, toi. Mais suce-moi, enfin. Tu l'as bien fait à mademoiselle Dieu Mamour. Oui, mais d'abord, elle, c'était à la nuque, c'était pas là. Et puis, une mouche, c'est pas une guêpe, une mouche. Mais une guêpe, c'est aussi dangereux. Enfin, il y a deux jours, là, dans le journal, t'as bien vu qu'un monsieur était mort, là, d'une piqûre de guêpe. Mais ça n'a aucun rapport, c'est en buvant, il est mort étouffé. Oh, mais je vais peut-être étouffer, moi. Oh, j'étouffe, oui, ça y est, j'étouffe. Mais non, c'est une idée plus... Si. Oh, j'en suis plus, Julien, écoute, suce-moi, suce-moi. Non, là, tu m'embêtes, là. Oh, sans cœur, mon Dieu. Ah, monsieur Hochepay. Madame. Oh, s'il vous plaît, monsieur Hochepay, s'il vous plaît. Comment, moi? Oh, non, mais dis, t'es pas vain. Tu m'as demandé ça, monsieur Hochepay. Ben, quoi, j'aime mieux ça que de risquer la mort. Mais certainement, madame, je suis très honorée, mais oh, vraiment. Oui. Mais si, monsieur Hochepay, au nom de la charité chrétienne. Non, mais t'as pas fini. Non, s'il vous plaît, dites, s'il vous plaît. Non, je vous assure, madame, vraiment, sans serrer moi le nez. Oh, fiche-nous la paix, avec tes s'il vous plaît, va faire ça toi-même. Oh, mais est-ce que je peux? Oh, Eh ben, va mettre une compresse. Et puis, n'ouvre pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attends, bah tiens, va-t'en, je veux plus te voir. Si je meurs, hein, que ma mort retombe sur toi. Eh ben, c'est ça, c'est entendu. Ah, oh, voilà les hommes, tenez, voilà les hommes. Victor, hé, Victor, allez vite. Non, mais là, elle est alliée, ma parole, elle est alliée. Monsieur Ventreux. Quoi? Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de n'avoir pas cru de voir... Quoi? Mais vraiment, nous ne sommes pas encore assez liés. Mais comment on va? N'est-ce pas? C'est ce que j'ai pensé. Mais il aurait pu manquer que ça. Oui, mais je vais un peu le dire à monsieur, moi, je vais le dire à monsieur. Alors bon, qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Ah, non, vous tous des lâches. Des lâches, vous êtes tous des assassins. Puis Victor vaut pas mieux que vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh ben, lui non plus, il n'a pas voulu sucer. Victor! J'ai pas osé, monsieur. Enfin, non, d'âge, qu'est-ce que tu vas aller comme ça t'offrir à sucer à tout le monde? Ça m'élance. Oh, je dois avoir une fluxion. Eh ben, si t'as une fluxion, va chez le dentiste. Oui, ben, c'est pas dans la bouche. Eh ben, alors, va chez le médecin. Ah, oui, tiens, il y a un docteur dans la maison, là, au-dessus. Mais non, c'est pas un docteur, c'est un officier de santé, il a pas le droit au titre. Ben, ça m'est égal, il a fait de la médecine. Allez, vite, vite, Victor, montez, puis ramenez-le, hein. Bien, madame. Oh là là, je vais me mettre une compresse. Allez, je vais me mettre une compresse. C'est ça. Monsieur ne m'en veut pas au moins de ne pas avoir... Quoi? Lui aussi? Voulez-vous aller chercher l'officier de santé tout de suite? Oui, monsieur. Au moment où il va ouvrir la porte sur le palier, on sonne et Victor donne dans un monsieur qui est dans l'embrasure attendant qu'on ouvre. Ah, n'est pas loin à ouvrir. Monsieur Ventroux, s'il vous plaît. Quand même. Ah, ben c'est ici. Vous désirez, monsieur? Ah, pardon. Je suis monsieur Romain Géval, du Figaro. Ah, parfaitement, monsieur. Eh bien, allez-vous-en, Victor. Oui, monsieur. Qui est-il pour votre service, monsieur? Voici, je vous suis envoyé par mon journal pour vous demander une interview. Ah? Sur la politique en général. Oui? Comme vos derniers discours vous ont mis très en vue. Oh, monsieur. Je dis ce que tout le monde pense. Et en particulier, sur les projets de loi dont vous êtes un des promoteurs, les accouchements ouvriers, l'accouchement gratuit et l'état sage-femme. Oui, c'est un sujet intéressant et qui me tient très au cœur. Seulement, je voudrais faire quelque chose de pimpant, de pittoresque, de pas tout le monde. Je m'attache à faire des chroniques brillantes, si vous m'avez déjà lu. Mais certainement, monsieur de Géval. Romain Géval. De Géval, parfaitement, de Géval. Eh bien, mais je suis à votre disposition. Seulement, j'ai une petite affaire à terminer avec monsieur. Oui. Monsieur Hochepay. Hochepay? P-A-I-X. Oui, mais il est le maire de Moussillon-les-Indrets. Ah, parfaitement, je connais. Comme moi? J'y ai souvent pêché à la ligne. Moussillon-les... Oui, je comprenais, oui. Bon, eh bien, alors, si vous voulez aller m'attendre un instant, nous passons, monsieur et moi, dans mon cabinet. Dans 5 minutes, je suis à... Mais je vous en prie, vous permettrez seulement que je m'installe à cette table. Je prendrai quelques notes pendant ce temps-là. Mais vous êtes chez vous. Pardon. Venez, mon cher maire de Moussillon-les-Indrets. Mais tout à vous, mon cher député. De Géval s'est installé à la table, a tiré son calepin et jetant un coup d'œil circulaire de façon à s'imprégner du cadre, inscrit quelques notes. Mais il n'est pas encore là? Quoi, mais enfin? Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Oh! Ah, le voilà là! Ah, vite, docteur! Comment? Vite, venez voir! Je viens de voir, mais quoi donc, madame? Ben, où j'ai été piquée! Vous avez été piquée? Tenez, nous allons tirer le sort là, pour que vous voyez plus clair. Ah, venez. Oui, madame, oui. Là, vous verrez, docteur. Mais pardon, je ne suis pas docteur. Oui, je sais, vous n'avez pas quitté ça d'importance. Tenez, regardez. Oh! Vous voyez? Ah, oui, madame, ça, je vois. Eh bien. Oh, tout à fait pittoresque, pimpant, quel chapeau de chronique. Hein, comment? Vous permettez que je prenne quelques notes? Mais non, voyons, allez, tenez, là, touchez, là. Que je... Oui, touchez, quoi. Ah, oui, madame, oui. Très pittoresque. Là, non, mais c'est pas là, monsieur, c'est l'autre côté. Oh, pardon. J'ai été piqué par une guêpe. Là, oh, quel aplomb. Oh, les guillons doivent être sûrement restés. Est-il possible? Bah, voyez. Ah, oui, madame, oui. Ah. Vous l'apercevez? Attendez. Ah oui, je le vois. Ah oui, même il dépasse tellement que je crois qu'avec les ongles... Oh, bah essayez, docteur, essayez. Mais oui, madame, oui. Là, à ce moment, sort du cabinet de travail, Hochepay suivi devant lui. Oh! Non, mais vous en dérangez pas. Tenez, madame, tenez, le voilà, le matin. Ah, jamais voulez-vous, dites donc, mais... Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Mais t'as fait, tu fais pas ton derrière à un rédacteur du Figaro, maintenant? Du Figaro. Oui, monsieur Romain de Géval du Figaro. Oh, de Géval. Vous êtes monsieur de Géval, monsieur, que vous avez fait une chronique amusante hier dans votre journal, n'est-ce pas, chérie? Voilà, ça n'a pas plus d'importance que ça, pour elle. À ce moment, ses yeux se portent sur la fenêtre dont le store est grand tiré. Oh, Clémenceau! Où ça? Clémenceau? Bah, à sa fenêtre, Clémenceau, à sa fenêtre, là! Oh, tiens, oui! Il ricane! Ah, bah, je suis foutu, moi, ma carrière politique est dans l'eau! Bonjour, monsieur Clémenceau! Mais très bien, monsieur Clémenceau! Enfin, et vous plaît, monsieur Clémenceau, va tant mieux! Tant mieux, vous venez d'entendre À l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Georges Feydeau, après une présentation par Léon Ruth, avec la collaboration de Marcel Achard de l'Académie française, André Roussin, Jacques Charon, sociétaire de la Comédie française, Mais ne te promène donc pas toute nue. Voici quelle en était l'interprétation. Madeleine Renaud, Clarisse Ventroux, Robert Lamoureux, Ventroux, Robert Pisani, Hochepet. Daniel Secaldi, Romain de Géval, Jean Favre Bertin, Victor. Assistante de production, Marthe Labastie. L'émission était réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth.